Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 20 juillet 2017. En voici tout de suite les grandes articulations. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a effectué ce jeudi 20 juillet une visite d'État en République unie de Tanzanie. Il s'est entretenu avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli sur le retour des réfugiés burundais de Tanzanie, le dialogue en cours pour résoudre la crise politique et d'autres questions. Vous entendrez les précisions de son porte-parole. $1 million américains, c'est le coût de construction d'un immeuble qui abritera l'Institut Confucius au campus Mutanga. Le projet a été financé exclusivement par la Chine et les travaux ont été lancés ce matin par le deuxième vice-président de la République, Joseph Botoré, qui a du même coup ouvert l'année doctorale à l'Université du Burundi avec deux filières pour commencer, les sciences naturelles ainsi que les sciences humaines et sociales. Les autorités du ministère de l'Environnement sont convaincues que le lac Tanganyika fait face à une pollution sur un rythme accéléré. Le respect du code de l'eau s'impose à tous pour la protection de ce patrimoine, nous dira Albert. Bonne année. Voilà pour le sommaire. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, a effectué ce jeudi 20 juillet une visite d'État en République unie de Tanzanie. Au menu des entretiens avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli, le retour des réfugiés, les relations bilatérales, les questions de l'EAC, ainsi que le processus de dialogue inter-burundais en cours. Suivez les précisions du porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa. L'objectif principal était de répondre à l'invitation de son homologue tanzanien, son excellence Joseph John Pombe Magufuli. Il s'agissait d'une visite d'État et une occasion pour le président de la République de remercier la République unie de Tanzanie pour le soutien qu'il a toujours prêté au Burundi depuis des décennies. Comme vous le savez, d'abord, cette coopération, cet appui-là date de l'indépendance du Burundi parce que le père de l'indépendance tanzanien a beaucoup aidé le père de l'indépendance du Burundi, mais aussi dans l'histoire du Burundi, vous savez, le Burundi a connu des problèmes cycliques, ce qui a fait que des Burundais trouvent refuge en Tanzanie. C'est même la Tanzanie qui a aidé le Burundi pour négocier l'accord d'Arusha. Une occasion donc pour le président de la République pour dire merci à son homologue tanzanien au nom de la Tanzanie pour ce que ce pays a fait pour le Burundi. Et il a été aussi une occasion pour le président de la République de lancer un appel aux compatriotes, à ses compatriotes burundais qui n'ont pas encore gagné le bercail, de rentrer au pays pour contribuer au développement du pays, mais aussi pour partager les dividendes de la paix et de la sécurité retrouvée. Oui, et cette visite intervient au moment où les Burundais sont en train de dialoguer à propos des problèmes politiques qui hantent le Burundi. Est-ce que les deux présidents se seraient entretenus à propos de cette question? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il s'agissait des questions bilatérales entre les deux pays, mais aussi des questions qui engagent la présence africaine. Donc, la Tanzanie. D'abord, remercier le Burundi pour les efforts consentis jusqu'ici pour restaurer la paix et la sécurité au Burundi, assurer la sérénité à toutes les composantes de la couche sociale burundaise et promet de continuer à prêter main forte au Burundi pour ce qui est du dialogue, mais sans toutefois s'ingérer dans les affaires du Burundi. C'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa, au téléphone avec notre confrère Pascal. Notons que le chef de l'État burundais conduisait une forte délégation, dont plusieurs membres du gouvernement. Le bureau de la présidence parle du ministre de la Sécurité publique, celui des Relations extérieures et de la Coopération internationale. La ministre à la présidence est chargée des affaires de la communauté est-africaine, le ministre des Finances, du Budget, de la Planification et du Développement, ainsi que celui de la Défense nationale et des anciens combattants. Et d'autres rencontres sont prévues en marge de cette visite dans l'objectif de renforcer les relations bilatérales et fraternelles entre les peuples burundais et tanzaniens. Beaucoup de choses ont évolué au Burundi après deux années de crise, d'après le président du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, Deo Hakizimana, a indiqué au cours d'un point de presse que les exagérations sur les informations décrivant le pays ont terni l'image du Burundi. Pour lui, chacun devrait tirer les conclusions de cette situation pour construire un Burundi meilleur et s'exprimer à l'occasion du lancement de la célébration des 20 ans du CIRID. Je voudrais que chacun, que chacune tire les conséquences des informations pertinentes que nous avons maintenant sur la vérité de la crise. La vérité de la crise, c'est que derrière ce qui s'est passé, il y a eu des mensonges délibérés, il y a eu des exagérations d'informations, il y a eu une sorte de parti pris en deux poids, deux mesures. Ça, c'est très fréquent dans la diplomatie internationale. Mais ce deux poids, deux mesures a eu ceci de désastreux que ça influe sur l'image négative du pays et ça condamne les efforts de réconciliation. Aujourd'hui, moi, je souhaite vraiment que chacun, là où il est, tire les conclusions de cette situation. Je ne suis pas en train de vous dire que le Burundi est devenu un paradis, non. Mais je suis en train de vous dire que le Burundi que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le Burundi que nous connaissons il y a deux ans. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Et c'est, je crois, sur ce bilan positif qu'il faut construire la suite, sans ignorer les problèmes, mais en consolidant les acquis. J'encourage vivement les initiatives qui sont en train d'être prises et qui seront bientôt mises en œuvre dans cette direction-là, c'est-à-dire la direction concernant rencontrer, dialoguer avec nos partenaires, nos compatriotes vivant dans la diaspora. Ce qui reste, c'est que ces mêmes compatriotes se mettent dans une psychologie positive d'aller vers leurs compatriotes et puis qu'ils envisagent, pourquoi pas, de venir eux-mêmes regarder la réalité, comment elle est dans ce pays, comme nous tous nous l'avons fait. Deo Hakizimana, c'est le président du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'école doctorale en sciences naturelles et en sciences humaines et sociales, lancée ce jeudi à l'Université du Burundi, vient conclure l'aboutissement du nouveau programme d'enseignement universitaire BMD, initié en 2011. Cette précision a été donnée par le professeur Djuma Chabani. Il est directeur de cette école et l'activité a coïncidé avec le lancement officiel de la semaine de l'Université du Burundi. Suivez Djuma Chabani. Le recteur est revenu sur les objectifs majeurs de cette école. C'est d'abord assurer une relève académique de l'Université du Burundi. Souvent, nous formons les gens et puis quand ils voient la retraite, on se retrouve, c'est comme une surprise, on n'a pas formé d'autres pour eux. Donc il faut assurer cette relève. Mais nous avons aussi, dans le cadre du BMD qui prévoit cette solidarité entre institutions, nous allons aussi donc contribuer à la formation des enseignants, des ressources humaines pour les autres institutions d'enseignement supérieur au niveau national. L'école va contribuer à la formation des ressources humaines nécessaires pour les besoins du monde de l'emploi dans le contexte, dans le cadre des priorités de développement national. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas les ressources minières ou les ressources agricoles, mais c'est les connaissances et la capacité de mettre ces connaissances, de les appliquer au processus de développement. Donc nous devons former des gens pour appuyer ces processus de développement à travers l'application des. De son côté, le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré, qui a lancé ses activités, a indiqué que cette école permet d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de la formation académique au Burundi. Joseph Boutoré. Pour ce nouveau chantier, nous félicitons et encourageons l'Université du Burundi pour avoir choisi de s'organiser dans un premier temps en deux pôles de formation, à savoir le pôle des sciences humaines et sociales et celui des sciences naturelles appliquées et de la vie. Nous vous invitons à organiser cette formation doctorale dans l'esprit et la lettre du décret susdit, avec comme finalité l'insertion professionnelle des doctorants. Par cet acte de naissance, l'Université du Burundi vient de confirmer ses droits d'aînesse dans l'espace académique burundais, car SOPA traduit la maturité de tout système d'enseignement supérieur. Une école doctorale est une école doctorale. Elle vise des objectifs de haut niveau qui se traduisent par une éducation, une discipline académique, scientifique et surtout patriotique. En adhérant à ces principes, vous aurez le soutien inconditionnel du gouvernement du Burundi, qui considère cette étape comme une autre chance pour notre pays de démontrer à la face du monde que le Burundi n'est pas la traîne en matière de l'enseignement supérieur. C'était le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré. $1 million américains, c'est le coût de construction d'un immeuble qui abritera l'Institut Confucius à l'Université du Burundi au campus Mutanga. Les travaux de construction de l'immeuble en question, qui sera un étage composé de 8 salles de classe, une bibliothèque et une salle de sport, ont été lancés ce jeudi par Joseph Boutoré, le deuxième vice-président de la République. Et ils vont durer 5 mois. Le financement de ces travaux est 100% chinois. Et puis, les autorités du ministère de l'Environnement sont convaincues que le lac Tanganyika fait face à une pollution sur un rythme accéléré. Elles l'ont déclaré ce jeudi lors d'un café de presse organisé dans le cadre de la célébration de la journée du lac Tanganyika qui intervient le 22 juillet de chaque année. Évariste Nzikobanyanga, reportage. La pollution des eaux du lac Tanganyika est sur un rythme très accéléré selon les hauts cadres du ministère de l'Environnement. Des eaux usées provenant des ménages, des industries et des usines et qui se déversent dans cette réserve sont les principales causes de cette pollution. Parmi les conséquences figure le fait que l'eau propre que la Régie des eaux traite et distribue à la population de la capitale de Bujumbura et ses environs devient de plus en plus rare. L'eau qui était tirée à 800 mètres au début est tirée aujourd'hui à plus de 3 km, indique Désiré Nsengiyumva, directeur de l'eau à la Régie des eaux. Aujourd'hui alors, on sait que on tient de l'eau à une profondeur d'eau 25 mètres à 3,5 km par rapport au bord, dire que la partie inférieure à ça est purement polluée. Aujourd'hui alors, nous demandons à quiconque de faire de son mieux pour que ce lac serait protégé. Sinon, on risquerait de ne pas avoir de l'eau potable et même s'acheminer dans des pays côtiers. Cela étant, le code de l'eau ayant été mis en place depuis 2012, certains pensent qu'il est resté lettre morte. Mais le directeur de la gestion intégrée des ressources en eau indique que le ministère n'a pas croisé les bras. Jérémy Nginatemba explique que des actions à mener, notamment la vulgarisation du code de l'eau, restent une priorité. Nous avons mis en place le comité de gestion des rivières pour ces rivières traversant la ville de Bujumbura qui sont affluents du lac Tanganyika, tels que Nhangwa, Buha et Kanyosha. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des infractions, qu'il y a des gens qui construisent dans ces zones tampons, ils nous signalent et on fait action. Il y a même déjà qu'on a infligé des amendes conformément au contenu du code de l'eau à partir de l'article 42 jusqu'à 62. Autre chose qu'il faut être fier, nous avons formé ce comité de gestion au niveau des rivières et maintenant, ils continuent à sensibiliser le code de l'eau. La journée du lac Tanganyika a vu le jour en 2005 et est célébrée le 22 juillet de chaque année. Évariste Nzikobanyanga, le lac Tanganyika devient de plus en plus menacé par la pollution causée par les déchets de plusieurs sortes transportés par les eaux des rivières qui s'y déversent. Les conséquences de cette pollution pèsent lourd sur les poissons et l'eau que la Régie des eaux puise dans ce lac, explique Albert Mbonerane, ami du lac Tanganyika. Le taux de pollution du lac Tanganyika est désolant, étant donné que quand vous voyez les déchets, que ce soit les déchets solides ou les déchets liquides qui sont drainés par les différentes rivières qui traversent la ville de Bujumbura, je prends par exemple Nyabagire, quand nous prenons une petite rivière qu'on appelle Kinyankonge et qui draine les eaux de la station d'épuration de Buterere vers le lac Tanganyika, quand nous prenons les déchets qui abondent sur les rives de la rivière Ntahangwa, si nous venons sur la rivière Moha et puis Kanyosha et puis Mugere, parce que tous les déchets maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui des dépotoirs sauvages ou informels, se trouvent presque dans tous les quartiers. Et puis, il y a des gens qui connectent les déchets liquides qui proviennent des ménages sur les caniveaux, etc. Ou bien vous trouvez des restaurants, bars qui sont juste au bord des caniveaux et tous les déchets sont jetés dans les caniveaux. Et quand il pleut, tout est drainé vers le lac Tanganyika parce que c'est la destination, je dirais, finale. Tellement qu'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas d'amélioration parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui ignorent cela. Ils jettent les déchets n'importe comment, mais ils ne savent pas qu'à la fin, ça débouche dans le lac Tanganyika. Albert Mbonerane demande aux autorités burundaises et à toute personne de penser à la protection de ce lac, surtout en faisant respecter le code de l'eau en vigueur. De l'environnement, on passe à la justice. La lenteur dans le traitement des dossiers provoque l'augmentation du nombre de personnes incarcérées dans les différentes prisons du pays. Ce point de vue est du président de la commission permanente. Chargé des questions juridiques au Sénat, Martin Itelitze pense que les magistrats sont à la base de cette lenteur car ils ne rendent pas les jugements dans de courts délais. Et le ministre de la Justice ne nie pas qu'il y a un grand nombre de personnes incarcérées dans les prisons. Mais Laurentine Kanyana indique que cela est dû parfois à la distance qui sépare les prévenus et les juridictions. La ministre de la Justice répondait aux questions orales des sénateurs. C'était ce jeudi. Et l'Assemblée nationale condamne le refus des députés issus de la coalition Amizero et Abarundi de siéger dans une séance d'analyse et d'adoption du projet de loi portant organisation et fonctionnement du Conseil national pour l'unité et la réconciliation. Dans un communiqué de presse produit par l'Assemblée nationale ce soir, Alexis Badian Dayihimbazé, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, explique que ses députés ont boycotté cette séance parce qu'ils n'ont pas apprécié les propos du ministre de l'Intérieur lors de la séance précédente. Suivez-le. Certains honorables députés indépendants de Miseria Barundi ne se sont pas présentés à l'hémicycle pour l'analyse et l'adoption de cette loi. Pour ce comportement manifesté, l'Assemblée nationale du Burundi voudrait porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ces honorables députés si haut mentionnés ne se sont pas présentés aux travaux d'analyse et d'adoption de la loi si mentionnée. Non pas parce qu'il n'y a d'elle pas, mais plutôt parce que cette loi allait être défendue par le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique. En effet, ces honorables députés n'ont pas apprécié les réponses données par ce dernier lors de la séance des questions orales avec débat sur la question relative au statut juridique des honorables députés ici de Miseria Barundi. L'Assemblée nationale du Burundi condamne ce comportement affiché alors que ces honorables députés de Misero avaient demandé qu'il y ait une séance plénière des questions orales avec débat à adresser au ministre de l'Intérieur pour clarifier ses réponses et que ces dernières ne sont pas encore déposées au bureau de l'Assemblée nationale. Donc, ils n'avaient pas raison de ne pas se présenter aux travaux. Toutefois, malgré leur absence, le quorum requis par la Constitution de la République du Burundi en son article 175 a été atteint et la loi a été adoptée par 89 députés avec une seule abstention et une seule voix contre. En conclusion, l'Assemblée nationale réitère son ferme engagement de ne ménager aucun effort pour accomplir ses missions et invite tous les honorables députés de se donner pour l'intérêt de la population qui les a mandatés sans poser des conditions non fondées. C'était le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Alexis Badian Dayihimbazé. Et l'honorable Pierre-Célestin Dikouman a fait savoir qu'ils ne sont pas sortis, mais qu'ils s'inscrivent en faux contre le comportement du ministre de l'Intérieur qui a tenu des propos désobligeants à l'égard des députés d'Amizero Yabarundi. Parce que si un député est élu, il n'est pas élu pour un parti ou pour un groupe de gens, mais plutôt pour toute une population, pour la société burundaise, pour la population burundaise qui nous a mandatés. Alors, imaginez-vous si un député n'a pas le droit de circuler sur l'étendue du territoire, alors que la Constitution, en son article 33, nous permet à tout Burundais de circuler sur tout l'étendue du territoire, vous comprenez quand même que ce sont des comportements que nous ne pouvons pas toujours, des comportements que nous pouvons chaque fois dénoncer. Nous ne pouvons pas quand même nous laisser faire chaque fois si un député, quand il sera chez soi ou chez un parenté, ou s'il salue quelqu'un dans son lieu de circonscription d'origine, et que cette personne puisse subir des menaces après son départ, c'est quand même inexplicable. Et ce comportement est affiché par les administratifs à la base. C'était la réaction de Pierre-Célestin Ndikoumana à la condamnation de l'Assemblée nationale à l'égard des députés d'Amizero Yabarundi. Et c'est par cette interview que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et un grand merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Eric Ouimana est à la technique. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.